de la zone. De cette vie de con quand tu n'es plus personne. Avec tous nos potos et ta sœur la misère. Flinguer tous les macros, s'inventer les chimères. Oublier la police, des matins qui déchantent. Oublier les sévices, les flics et les patentes. Vomir sur le FN, la secte des vampires. À l'amour, à la haine, sans jamais nous trahir. Oubliez que la mort se traîne au QHS. Dans le gris des aurores, dans les yeux des gonzesses. Oubliez sans y croire un passé que tu traînes. Toujours les mêmes cafards, toujours les mêmes chaînes. Oubliez les frangines, bien trop chères pour ta gueule. Pouliche de magazine, habillé chez Bagel. Râpé sur le bitume des allumés de la nuit. Sans carburé, sans thune, au mi-temps de lobby. Oubliez la cité, les projets incertains. Les fonctionnarisés, relookés par Cardin. Zapping sur boîte à con pour le pote SDF. La mort est au balcon pour le fric, pour les jeunes. Que ta peau n'est pas cotée en banque. T'es né dans le ruisseau, tu seras toujours un bronque. Mais tu leur pisses où je pense, aux bourgeois de l'ennui. Au maréchaux de France, toi tu veux qu'on t'oublie. Oubliez le béton, s'enfuir loin de la zone. De cette vie de con, quand tu n'es plus personne. Avec tous nos potos et ta sœur la misère. Flinguer tous les macros, s'inventer les chimères.